Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « La cause ésotérique des événements actuels ». Merci. C'était court, c'est touchant. Bon, premièrement, les événements actuels, il y en a plusieurs. On pourrait parler d'événements internationaux comme de nouvelles maladies, le sida. On peut parler aussi des changements politiques, le mur de Berlin qui tombe. Il n'est pas tombé. Il est défait. Ils l'ont détruit. Est-ce qu'il est tombé pareil après qu'ils l'ont détruit? Donc, on commence par quoi? Les maladies, la politique? Il y en aura d'autres sûrement en cours de route. Est-ce que la politique, c'est une maladie? La politique, est-ce que c'est une maladie? La politique, c'est... Quand on parle de politique, il y a deux formes de politique, évidemment. Il y en a une qui est dictatoriale, il y en a une qui est plutôt électorale. Si vous trouvez le son trop fort, je n'ai pas pour le dire au technicien en arrière. Alors, quand on parle de politique, vous allez voir, je prends de ton immédiatement et puis le technicien va pouvoir ajuster. Si on regarde comme dans les contextes nord planétaires, comme l'Europe, l'Amérique, Canada, Québec, notre forme de politicariat est une politique qui permet à l'ignorance de rester au pouvoir. Et ça a toujours été un gros problème. Premièrement, il y a une loi fondamentale de tout système politique, c'est qu'un système politique est là pour préserver les causes qui nécessitent sa présence. Donc, on n'aura jamais accès, tant qu'il n'y aura pas d'êtres humains suffisamment intelligents pour élire des êtres humains intelligents, on n'aura jamais de gouvernement qui vont s'arranger pour régler les problèmes. Parce que si un gouvernement règle un problème, c'est un gouvernement de solution, et lorsqu'on n'a plus le problème, bien, on met le gouvernement de côté. Alors, les gouvernements sont là pour entretenir des situations qui nécessitent leur présence. Maintenant, quand je dis que le système... C'est comme si les pompiers allumaient des feux à mesure qu'ils éteignent. J'ai connu un séminariste qui a déjà été pompier, puis effectivement, dans une certaine grève de pompiers, il y avait des pompiers qui étaient mandatés pour mettre le feu. Alors, ça faisait en sorte qu'on avait besoin des pompiers. Ça s'est réglé vite. Bon, ils ne mettaient pas le feu à des hospices, mais quand même, ils mettaient le feu. C'est un peu la même chose, c'est très similaire. Maintenant, quand je dis que le système électoral actuel est un système qui conserve l'ignorance au pouvoir, bien, c'est évident, c'est toujours la même chose. Les populations qui élisent des gouvernants ne sont jamais satisfaites des gouvernants qu'ils ont élus. Et les populations sont toujours amenées à voter sur de l'information qui leur a été donnée par les personnes qui veulent être élues. De ce fait, si, par exemple, nous expliquons à un moment donné, comme c'est arrivé dans 15-20 ans, si nous expliquons que la pollution est un problème grave, bien, les gens ne sont pas assez informés, ce qui fait que les gens vont voter en fonction de leur mésinformation. Et c'est toujours l'ignorance qui va maintenir au pouvoir des personnalités qui vont agir en fonction de l'ignorance des peuples. C'est ce qui va faire en sorte que les systèmes avancent extrêmement lentement et qu'on a toujours été confronté à des systèmes comme l'actuel, à des systèmes où on guérit. Si on regarde, par exemple, juste la crise amérindienne, ça fait depuis 1901, entre autres, du moins que ça pousse un peu, mais tant qu'il n'y a pas de problème, on ne solutionnera rien. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés, parce que les gens ne sont pas informés, on ne votera pas des gouvernants qui vont dire « si je suis élu, je vais m'occuper des Indiens ». On n'a rien à foutre des Indiens, personne ne se plaint. « Je vais dépolluer ». Personne ne parle de pollution. Je vais, etc. De ce fait, c'est l'ignorance du peuple qui conserve à la tête les dirigeants. Et si on va voir dans des régimes dictatoriaux, bien là, évidemment, ce n'est pas l'ignorance du peuple. C'est un peu l'ignorance du peuple qui fait qu'il n'y a pas de guerre civile. Et c'est souvent aussi l'aide des pays du tiers-monde, en réalité, disons, du tiers-monde riche, qui fait en sorte que dans les pays dictatoriaux où on vit la pauvreté, que la pauvreté continue à être là. Alors, ce n'est pas une maladie, mais c'est une problématique dans l'évolution. C'est une chose qui va totalement changer dans les années à venir. Et effectivement, on peut constater aujourd'hui qu'il y a des tendances très particulières. Dans les endroits où il y a toujours eu des grandes unifications par la force, il y a présentement des séparations. Alors, si on regarde l'Union des républiques socialistes soviétiques, où on a présentement une scission totale, on a même des sécessions. Et si on regarde le Canada, par exemple, où il y a une tendance aussi au séparatisme, le Québec, on le connaît bien, évidemment, mais il y a la Colombie-Britannique, il y a le Nouveau-Brunswick, il y en a plusieurs provinces qui sont prêtes à... Les plus pauvres sont prêts à rester, puis les plus riches sont prêts à partir. Si on regarde l'Allemagne qui était séparée et qui s'allie maintenant pour s'unir, maintenant on sait que l'Allemagne a toujours été unie avant les grandes guerres. Donc, est-ce que c'est un prélude à une prochaine grande guerre? C'est évident qu'avec l'Irak et Margaret Thatcher dernièrement qui a dit à Saddam Hussein, si vous utilisez les bombes chimiques, en 2 jours, moi, je vous enterre de bombes nucléaires. Et là, Saddam Hussein a dit qu'il fallait négocier. Ça, c'est cette semaine, là, quelques jours. Margaret Thatcher, c'est... De toute façon, j'ai toujours dit que du point de vue, il y a beaucoup d'hommes qui ont des culottes à racheter parce que c'est une femme assez intéressante. On a évité une guerre mondiale lorsqu'elle a décidé de se battre contre l'Argentine. Bon, on a évité une guerre mondiale. Les Russes vérifiaient simplement les alliés avec les îles Malouines, les Falklands. Alors, Margaret Thatcher est entrée en guerre. Finalement, c'est elle qui l'a faite. Là, c'est un peu la même chose. Elle n'a pas eu peur des mots. Elle a simplement dit aux Irakiens, enfin Saddam Hussein, qu'elle, c'est à coup de bombes nucléaires qu'elle ferait la prochaine guerre contre eux autres si eux autres utilisaient les bombes chimiques, qui sont des bombes nucléaires des pauvres. Ça détruit autant. Alors, il y a donc... Au niveau politique, il y a le système dictatorial, il y a le système de l'ignorance. Nous avons le système de l'ignorance qui a certains avantages, c'est que ça nous permet quand même de pouvoir continuer à crier des choses savantes sans subir de répression, alors que dans les milieux dictatoriaux, eh bien là, évidemment... Est-ce que c'est pas en train de changer un peu si on regarde les dernières élections en Ontario où c'était censé être... Mais non, c'est la preuve que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui a fait rentrer l'NPD, mais c'est pas... Est-ce que c'est... Est-ce que c'était contre toute attente que la victoire... Dans les temps qui vont venir, tout ce qui va arriver va être contre toute attente. Et c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Le mur de Berlin, c'est contre toute attente. L'alliance entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique au niveau du désarmement, au niveau même financier, au niveau de ces choses-là, c'est contre toute attente. Le fait d'éliminer progressivement le Parti communiste comme étant le parti dictatorial unique au pouvoir, comme étant une religion, parce que les gens priaient le parti... ça aussi, c'est contre toute attente. Bon. Alors, la réunification des deux Allemagnes. Bon, même celui qui est là présentement a dit que lui, v'là un an, il a annoncé que jamais de sa vie il le verrait, il le sait. Présentement, c'est lui qui est le plus appelé à diriger l'Allemagne unie. C'est contre toute attente. Et je peux t'en nommer plein de choses qui sont contre toute attente. Est-ce qu'il y a des raisons ésotériques à ça? Ah, ben oui, il y en a quelques-unes. Peux-tu en énumérer une? Une ou deux? Énumérer une, après ça une autre, après ça une autre. Il y a eu une déstabilisation qui s'est faite, surtout sous l'Allemagne d'Adolf Hitler, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une déstabilisation positive qui s'est faite à travers les races, à travers les peuples, et cela a obligé énormément d'individus à émigrer vers l'Amérique, qui était la terre promise. Et il y a eu donc un paquet de mélanges consanguins qui a engendré une race beaucoup plus forte, qui est la race qui sert de prémisse à la sixième race mère, donc la race qui vient, la race que l'humain, on parlera de race bleue dans l'ésotérisme, mais c'est toujours pas une race cutanée bleue, c'est une question de neuronique, donc c'est une façon de voir les choses, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Et lorsque l'on parle donc de cette sixième sous-race, Adolf Hitler... Et les Anglo-Saxons, donc l'Angleterre entre autres, ont été les pourvoyeurs en gènes, les pourvoyeurs aussi en mouvements sociaux planétaires pour forcer les États-Unis d'Amérique à recevoir un mélange des contextes planétaires. Il y a eu l'Australie qui a failli être un bon porteur, mais finalement, ce sont les États-Unis d'Amérique. Nécessairement, le Canada en ésotérisme fait partie des États-Unis d'Amérique. Hein? Bon, c'est George Bush qui est le président du Canada. Enchanté. C'est ça. Alors, lorsqu'il y a eu ces mélanges, ils sont là engendrés des mécaniques génétiques qui ont permis au corps physique de pouvoir se retrouver dans de nouvelles formes. Donc, cela a engendré des peuples un peu plus puissants. Et on sait que par la mécanique réincarnationnelle, on en a parlé le mois dernier au complet, il y a une réincarnation qui se fait, qui est pluralitaire, qui se fait 24 heures sur 24 tout au long de la vie des individus, d'une façon minime, mais quand même, qui à la longue finit par engendrer des changements au niveau de la psychologie et du comportement. Alors, on a eu, présentement, on a dans la salle ici, par exemple, des personnes qui sont descendants, premièrement, de la race Huron, de certains autres mélanges iroquois, donc Mohawks, c'est la même chose. Certains, c'est Algonquins, Micmac, bon, plusieurs souches indiennes. La majorité descendent des peuples vikings, anglo-saxons, français. Certains, ça sera irlandais, écossais, etc. On a quelques-uns qui ont des mélanges espagnols, portugais. Bon, il y a des mélanges génétiques ici. Maintenant, ce qui arrive, c'est que à la fin de tous les grands cycles, et ça n'a rien à voir avec l'ère du Verseau, ça n'a rien à voir non plus avec l'an 2000, c'est-à-dire 2000 qui arrive. C'est-à-dire que bien souvent, on recherche une symbolique à travers les dates. Mais si on est juif, on n'est absolument pas près de l'an 2000. Hein? On approcherait plutôt de l'an 4000. Si on est chinois, c'est d'autres dates aussi. Alors, on peut faire une numérologie, mais la numérologie, c'est toujours un peu risqué. C'est-à-dire que ça fait partie de l'information astrale qui colore la vision des individus. Alors, la numérologie, c'est quelque chose qui... fausse souvent, qui nous donne plutôt les réponses que l'on veut avoir. Alors, si on fait fi de l'an 2000 et si on fait fi de l'ère du Verseau, qui est commencé physiquement depuis plusieurs années, vitalement depuis un peu moins d'années, astralement depuis quelques années, mentalement depuis quelques années, supramentalement depuis encore moins d'années, si on fait fi donc de ces mécaniques, qui sont des endroits chronologiques qui nous permettent de dire, tiens, c'est en telle année qu'est apparu tel changement. Mais ce n'est pas à cause de l'année qu'est apparu le changement. Il faut comprendre. En 1800, les gens ont pensé à la fin du monde. Au début des années 1900, c'était la panique totale. Il y avait la comète de Halley en plus qui était dans les parages. Mais c'était la folie furieuse. C'était réellement la fin du monde. À l'approche de l'an 2000, on pourrait aussi penser la même chose. Mais il y a des ruses guerrières là-dessus. C'est qu'en 1600, on y a cru. En 1700, on y a cru. En 1800, on y a cru. En 1900, on y a cru. En l'an 2000, on n'y croira pas. Parce que là, finalement, on finit par s'habituer. Ça, c'est peut-être le temps d'y croire. Mais en tout cas, c'est le temps de voir les choses. Alors donc, il y a, à travers l'évolution, il y a des terminaisons de cycles. Il y a eu l'époque atlantéenne, Platon en parle, Homère en parle. Bon, ce sont un peuple qui a réellement existé. Et à chaque fin de cycle, il y a une restructuration. Avant la fin du cycle, il y a une migration des corps physiques, donc des génétiques, vers la Terre blanche, qui se trouve à être le bouclier canadien, la première Terre de surface. Le Québec est en haut des plaines du Saint-Laurent, totalement sur le bouclier canadien. Et le Québec, dans la vision ésotérique, c'est le bouclier canadien, et il s'écrit K-E-B-E-K. Donc, c'est vers le Québec que vont migrer l'élite génétique. Et nécessairement, on pourra parler des États-Unis d'Amérique, qui, eux, vont aussi avoir un rôle ésotérique massif à jouer, protecteur de l'intelligence supramentale, protecteur, donc, finalement, de la nouvelle race, bien qu'ils n'en feront pas partie en tant que débutants. Il y a des exceptions, évidemment, on parle du peuple. Alors que le Québécois, puis une partie du Canada, va faire partie de cette... C'est de là que part la nouvelle race. Est-ce que c'est pour une raison ésotérique comme ça que en 67, l'Expo avait été baptisé Terre des Hommes? Parce que c'est dans premièrement, c'est en 67 qu'on a eu le premier contact supramental conscient dans le monde. Ça s'est fait au Québec. Et Terre des Hommes, c'est nécessairement une façon ésotérique de voir les choses. J'ai déjà parlé à un moment donné qu'il y a présentement, on approche d'une fin de cycle. Donc, il y a la réincarnation massive, et c'est ce qui va créer le paquet d'engagements militaires ou politiques actuels. C'est que les corps physiques ayant été, disons, replacés d'une façon différente sur le plan planétaire, présentement, il y a beaucoup de mémoires réincarnationnelles qui tentent de se retrouver. Alors, ce qui fait qu'il y a des individus qui seront forcés à faire des voyages pour aller, par exemple, en Europe, aller ramasser des mémoires qui leur appartiennent pour revenir par la suite au Québec. Il y aura beaucoup de migrations du Canada vers l'extérieur, de l'extérieur vers le Canada et vers le Québec surtout. Il y a donc plusieurs choses comme ça qui vont se passer. L'Allemagne se retrouve parce que la séparation a fait en sorte que ça a amélioré différentes choses au niveau des conditions génétiques et des visions psychologiques. Maintenant, elles vont se retrouver parce que c'est un peuple extraordinaire. Mais l'Allemagne va se retrouver d'une façon nouvelle. Pourquoi? Parce que la majorité de ce qui était fort dans l'Allemagne s'est réincarné dans le Québécois. Et le Québécois est en train donc de naître en termes on pourrait dire, disons, de successeur à l'Allemagne. L'Allemagne, de toute façon, c'était l'application spirituelle d'une vision supramentale qu'Adolf Hitler et plusieurs personnages de la Wehrmacht, enfin de société secrète allemande, avaient vu, l'amener de la nouvelle race. Eux parlaient du retour de la race aryenne. En réalité, ce ne sera pas la race aryenne qui est la race blanche mère, la cinquième sous-race mère dont on fait partie, évidemment. Ça n'a toujours rien à voir avec la couleur de la peau. Mais c'est une application spirituelle de cette mécanique. C'est le Québec qui aura fait cela. Présentement, il y arrive donc, il y a énormément dans le monde astral, il y a de la folie. Le monde astral, qu'est-ce que c'est? C'est le monde de la mort, c'est le monde de la mémoire, c'est le ciel, c'est les annales akashiques, c'est l'akasha, hein, pour dépendamment des lectures qu'on a fait, c'est le nirvana, c'est ces choses-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est de là que viennent les âmes. Maintenant, on doit comprendre, dans l'idée que viennent les âmes, c'est que dans le monde de la mort, il y a les dieux, et Dieu est donc le pourvoyeur des âmes. Sauf que le Dieu qui est dans le monde de la mort n'est pas le pourvoyeur des esprits. Ce n'est pas le pourvoyeur de l'intelligence dans l'homme. Et l'âme, c'est la mémoire de l'expérience de l'intelligence dans l'homme, donc de l'esprit. Alors, à l'époque du Nazaréen, par exemple, tout le monde avait une âme. Ben, les femmes, on n'était pas sûrs, parce que les femmes, ils ne parlaient pas encore assez fort. Mais tout le monde avait une âme. Sauf qu'on parlait du contact avec l'Esprit-Saint. On parlait du Saint-Esprit, qui lui amenait la parole, qui lui amenait le savoir instantané. Le Nazaréen disait à ses apôtres, ben, allez, puis quand ce sera le temps de dire, vous saurez quoi dire. Bon, c'est le savoir instantané, c'est donc le contact supramental, alchimiquement le contact christique. Présentement, on approche donc d'une fin de cycle qui devrait s'achever vers l'an 2013, c'est-à-dire que le changement, la transition devrait être achevée vers l'an 2013. Et ça devrait aller croissant vers jusqu'à l'an 1999, où on devrait vivre une espèce d'apothéose de l'apocalypse. Bon. Maintenant, il arrive quoi? Il arrive simplement qu'au niveau des structures, il y a dans la conscience humaine énormément d'implants qui ont été placés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, présentement, actuellement, vont se réveiller. Au niveau des prophéties, par exemple, si on regarde Jean, entre autres, Jean de Patmos, qui est la réincarnation de Jean le Baptiste, entre autres, et qui a été habité par Lazare le temps que Lazare était mort, ça l'a formé un peu. Jean de Patmos dit que ça va venir comme personne ne va s'y en attendre. Ben, c'est ça que je te dis, justement. Le mur de Berlin, c'est évident que ça ne peut pas tomber. C'est inimaginablement, c'est impossible. Il n'y en a plus de mur de Berlin. Bon, l'Union soviétique, c'est de moins en moins communiste. Enfin, c'est pas communiste dictatorial. Maintenant, on va admettre d'autres choses. Il y a plusieurs choses comme ça qui vont se passer parce qu'il y a des mécaniques. Premièrement, il y a des êtres humains qui travaillent ésotériquement à forcer ce changement-là. On parlera des francs-maçons, on parlera du prieuré de Sion, qui, eux, ont une tendance inéluctable à forcer l'humain à vivre dans la plus grande misère possible, dans le plus grand malheur possible. Pourquoi? Parce qu'on approche d'une phase qui s'appelle le Kali Yuga, l'âge de fer de l'âge de fer, et eux ont comme philosophie que plus vite on aura passé la pire partie des structures évolutionnaires des humanités, plus vite on va rentrer dans le millénium, dans l'âge d'or. Donc là, ils compressent les problèmes. Eux veulent compresser. Alors, eux vont manipuler des divinités dans le monde de la mort. Il faut bien comprendre l'idée, c'est que ce qui se passe présentement sur la planète, c'est uniquement des gestes, des manipulations, donc des gestions astrales dans le monde de la mort. On a parlé des réincarnations pendant un mois de temps. On a parlé de l'amour. On a parlé de l'amour intelligent le mois d'avant. Ce qu'on a à comprendre, c'est que tout ce qui se passe présentement sur le plan planétaire, comme dans le passé d'ailleurs, dirigé par Lazare, pour ce qu'on dit souvent, c'est un effet du Lazare. C'est Lazare qui fait ça. Alors donc, c'est dirigé par Lazare, qui était celui qui a reçu des mains du Nazaréen les réelles clés du contrôle des fonctions évolutionnaires de l'humanité. Pierre, lui, a simplement reçu l'apparat pour cacher exotériquement, donc il dévoilait des choses, alors qu'ésotériquement, ça restait caché. Alors, il y a ceci, il y a donc que dans l'astral, et on doit comprendre la mécanique, c'est que tout se passe là-bas. Quand on regarde la politique, les gens votent sur quoi? Sur des impressions. Et on sait que le monde astral, donc le monde des morts, le monde d'où proviennent toutes les manipulations qui nous manipulent, vous devenez alcoolique, c'est une manipulation qui, à un moment donné, vient vous posséder. On a le goût du suicide, c'est une arme tueuse qui vient nous posséder. On change progressivement, on réincarne de nos parents, on réincarne aussi de nos voisins, on réincarne des choses collectives. Il y a un meurtre dans la société ou un viol, on n'a aucune idée de d'où ça vient. C'est un karma noir qui s'accumule dans le monde de la mort, au-dessus de la ville de Montréal, puis à un moment donné, il éclate, il tombe. Ça allège le karma social. Les alcooliques et les drogués en majorité, ainsi que les handicapés en majorité, supportent un karma collectif pour permettre à l'élite de la société d'en être dégagée, pour qu'ils puissent continuer à avancer. Et c'est pourquoi, socialement, on veut aider, évidemment, nécessairement les handicapés, les alcooliques ou les drogués, les narcomanes. Alors, il arrive donc que la finance est totalement manipulée par le monde de la mort, la politique est totalement manipulée par le monde de la mort, les guerres aussi, ou etc. Quand on fait juste regarder au niveau du Koweït et de l'Irak, imaginez qu'on est, nous, une population avec à peine 1 million de soldats. L'armement qu'on a, c'est un armement stratégique soviétique. On ne sait pas totalement comment se servir de la haute, fine technologie. Les Russes nous prêtent encore quelques techniciens, c'est ce qui arrive présentement. Mais on sait qu'on n'aura théoriquement pas d'armes. Sauf s'il y a une guerre civile en Union soviétique et que Gorbatchev est renversé puis que l'armée prend le pouvoir. Et là, ça peut faire en sorte que l'alliance entre les États-Unis et l'Union soviétique cesse. Ça fait partie des futurs très probables. Et il y aura une alliance entre l'Irak et donc entre le contexte musulman et l'Union soviétique. Et c'est ce qui devrait théoriquement engager une troisième guerre mondiale. Bon, à l'échelle planétaire. Ça serait de réaliser la prophétie que Nostradamus avait faite. Oui. Bon, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que si on regarde Saddam Hussein, on est 1 million et nous allons nous confronter contre toutes les armées du monde et les plus puissantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, excusez, on s'est trompé sur notre carte géographique, c'est pas au Koweït qu'on voulait aller. Bon, c'est une erreur de boussole, puis bon, on retire nos troupes, puis on perd pas la face. Bon, notre cartographe s'est trompé. Bon. Sauf que, si on regarde Saddam Hussein, on se rend compte que le bonhomme, c'était pas un débile mental. Adolf Hitler n'était pas un non plus. C'est sûr que c'est facile de dire que c'est un débile, c'est un fou. Mais un fou ne peut pas diriger un peuple d'êtres humains qui sont pas fous. Alors, pouvions-nous dire que tout... Non, non. Au Canada, peut-être. Ah, même pas, même pas, même pas. Non? Ah, même pas, même pas. Payez-moi le René, mais quand ouais. même, c'est ça, c'est pas ça. Bon. Maintenant, si on regarde encore au niveau de Saddam Hussein, il a la capacité psychologique de ne pas être stressé devant toutes les grandes armées du monde qui sont toutes placées là, avec les meilleurs avions, avec les meilleurs missiles, des missiles de croisière, puis ça, c'est des missiles qui cruisent, hein, fait qu'il y en a de plus en plus au fur et à mesure, bon. Alors, ils sont réellement mal placés. Comment ça se fait qu'ils continuent à narguer l'humanité? On parle de manipulation. Alors là, évidemment, un psychologue pourrait dire c'est parce qu'il est inconscient. Faut faire attention à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience fabriquée, une conscience implantée, qui lui fait voir les choses comme nous ne le voyons pas. Il est manipulé à voir d'une certaine façon. Exact. Il est manipulé à voir qu'il est dans son droit chemin. Quand les Warriors, ici, étaient devant l'armée canadienne ou la police, de, finalement, même si c'était avec la Sûreté du Québec, disons la sécurité, comme disent les Français, la sécurité du Québec, la SQ. Ouais. Oui, c'est les Français, c'est la SQ. Bon, j'en laisse m'amuser à écouter ça. Alors, quand la SQ les entourait, hein, la sécurité du Québec, les Warriors, pourquoi ils ne se rendent pas? Pourquoi? Parce que dans leur vision du monde, ils ont totalement raison et les dieux les appuient. C'est d'ailleurs les dieux qui ont fait que les vents ont viré quand la Sûreté du Québec a attaqué la première fois, puis que les gaz lacrymogènes sont revenus sur les agents de police. Non, c'est pour ça qu'ils ont perdu les autos, puis ils ont perdu leurs affaires, ils ne savaient plus ce qu'il allait. Bon, alors c'est un dieu. C'est ce qu'on appelle un acte de dieu. Exactement. Mais les assurances ne couvrent pas ça. C'est pas l'acte of God, bon. Alors, si on regarde Saddam Hussein, c'est encore Allah, hein? Il pousse à la guerre, et puis c'est encore des manipulations. Toute la structure actuelle est basée là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps qui viennent, on se rend compte qu'à la bourse, c'est de plus en plus pénible. Savez-vous combien d'individus, de grands financiers ou encore des personnes qui sont en courtage, valeur mobilière, la quantité d'individus qui travaillent uniquement sur l'intuition, ce sont les plus riches. Ils sont en train de tout perdre. La quantité de courtiers, tu dois en avoir connu probablement, qui travaillent uniquement sur la cartomancie, sur l'astrologie. Ils sont en train de tout perdre. À celle que je connais même des astrologues formidables. Ils ont totalement raison, jusqu'à temps qu'ils décident d'investir de l'argent. Tout plante. Leur système ne vaut plus rien là. On vient de tout changer. Alors, il y a même des astrologues qui sont rusés maintenant. Ils louent à 1 000 ou 5 000 par mois leurs idées, mais eux n'investissent pas. C'est très bon ce que je vous vends, mais moi, je fais pas confiance. Bon. Et tout, présentement, est en train de virer à l'envers. Et c'est pourquoi on pourra parler de plusieurs choses qu'on ne s'attend pas qui viennent. L'humain est placé dans un contexte très particulier. Quand tu dis « on ne s'attend pas », fais-tu référence? À Satan, oui. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure du sida, qu'est-ce que le sida? Le syndrome d'immunodéficience acquise ou encore sinistre individu dominé par l'astral? Ça dépend évidemment dans quel terme on veut parler des choses. Bon. Si c'est physiquement qui est malade ou si c'est astralement. Voilà, comme le MTS, c'est maladie transmise de soir, mais ça peut aussi être martyr de la transition supramentale, dépendamment des niveaux. Bon, ça donne que ça porte les mêmes lettres, mais c'est pas la même chose. Le sida biologique, donc, le fait qu'on manque, à un moment donné, de défense corporelle. Imaginez que, en Lémurie, et c'est ce qui est arrivé, il y a eu la séparation, l'apparition d'une sexualisation chez l'être humain. L'être humain était hermaphrodite, donc il se procréait de lui-même, c'est-à-dire qu'il avait les deux sexes. On a encore des animaux comme ça, qui sont comme ça aujourd'hui. Donc, chaque être humain, on peut dire chaque homme-femme, chaque femme-homme, il pouvait être enceinte ou enceint, mais en réalité, il n'y a pas de sexe, donc, et sans copulation, sans rien. Bon, il y avait des enfants comme ça. Ça se reproduisait. Et la majorité des animaux étaient comme cela. Progressivement, il y a eu une évolution vers le mammifariat, c'est-à-dire qu'on est arrivé vers l'époque des mammifères. Mais au début, l'être humain a commencé, comme les animaux d'époque, à pondre des œufs. Hein? Bon, je sais bien que je ne peux pas vous voir, là, mais quand même, l'humain pondait des œufs. Il n'y avait pas d'avortement à ce temps-là. Non. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que l'énergie vitale qui permettait la reproduction, qui est 100% de l'énergie vitale, qu'on appelle aussi énergie sexuelle, elle a commencé à migrer le long de la colonne vertébrale pour ouvrir le centre laryngé, permettant la parole, et développer le centre cérébral qui recevrait la pensée. Alors, la moitié de l'énergie vitale étant axée là-dessus, l'humain ne pouvait plus se reproduire. De ce fait, progressivement, les corps physiques sont adaptés, ça prend des millions d'années, et ils sont devenus hommes ou femmes. Alors, on a le corps de la femme qui est physiquement receveur, donc négative en termes de polarité, ça ne veut pas dire mauvais. On a le corps de l'homme qui est physiquement donneur, positif. Le corps vital de l'homme est receveur, donc négatif. Il aura besoin de la sexualité de la femme, donc l'homme sera toujours en quête de sexualité. Le corps vital de la femme sera donneur, elle portera la vie, mais elle pourra aussi nourrir le bonhomme. Astralement, l'homme sera donneur, il gueulera, il sera violent, il fera la guerre, il dominera la femme. Psychologiquement, donc astralement, la femme sera récessive, il aura besoin d'affection. Elle pourra donc aller chercher l'affection chez l'enfant, donc elle va s'en occuper. Et l'homme va s'occuper de la femme pour avoir les enfants, bon. Mentalement, la femme, elle est positive, elle va donc harceler le bonhomme pour que le bonhomme invente une société matérialisement plus confortable. Puis le bonhomme, pour avoir le sexe vital, il va travailler mentalement vu qu'il est receveur. Aujourd'hui, au plan supramental, l'androgyna revient. L'homme, la femme commencent à être positif et négatif au niveau du plan supramental, donc de l'intelligence. Qu'est-ce qui a engendré la division génétique à l'époque? C'est l'intervention d'une mécanique extraterrestre qui s'appelle Elohim. C'est une mécanique Elohimique qui est apparue en Lémurie et elle a amené premièrement son contingent de travail, qu'on connaît un peu sous le terme race adamique. Lucifer, porteur de lumière en termes étymologiques, était à l'époque, faisait partie de la race Elohimique. Les Elohim viennent, ils vont travailler la génétique des animaux, ils vont engendrer les mammifères. À travers les mammifères, l'un de ceux-là sera le plus rempli de succès, le plus rempli de promesses, et ça sera finalement celui qui sera investi d'une arme. Ça sera celui qui va finalement nous servir de corps physique. Parce que vous n'êtes pas des corps physiques. On habite les véhicules, on finit par s'y identifier. On habite ces véhicules-là. Mais là, il arrive plusieurs choses. Premièrement, il va arriver qu'on va inclure dans la conscience astrale, donc dans l'âme de l'homme, qu'on commence à mettre là-dedans. On permet à la corporité, au corps de l'humain, d'avoir dans son corps vital la capacité de retenir de la mémoire, et de vivre dans la mémoire retenue des événements. On appellera cela de l'émotion. Donc, l'humain va commencer à avoir des émotions, que les animaux n'auront pas. Les animaux auront de l'émotion lorsqu'ils sont en contact de l'humain par imprégnation. À l'époque luciférienne, donc à l'époque de la race lémurienne, c'est par imprégnation que devait se faire le mélange des génétiques. Mais il y a eu, à un moment donné, des mélanges entre les êtres de la race adamique, les êtres lucifériens, et les animaux humains. Cela a engendré des êtres à corps physique avec une âme trop puissante, ce qui a engendré l'orgueil et l'ego. Mais c'était prévu. Mais on va dire à l'humain, c'est un défaut, c'est un péché, c'est un accident, c'est une chute, vous allez rester à la planète, vous allez payer pour. Puis Dieu est bon, tous vos descendants vont payer aussi. Bon, voilà. Coupable ou non, c'est réglé. Voilà, bon. Alors maintenant, il arrive ceci. Il arrive que parmi les êtres qui sont restés au niveau élohimique, il y a des êtres humains qui ont été formés. Il y a eu Moïse. Il y a eu Noé. Moïse, beaucoup plus tard. Il y a eu Noé qui a été formé. Noé, lui, va donc travailler la génétique des animaux dans le but d'inventer et de fabriquer un chat et un chien pour des raisons ésotériques sur lesquelles on va passer. Et il travaille surtout dans des laboratoires qui vont être aujourd'hui, on peut les visiter aujourd'hui, ces laboratoires, sur les îles Galapagos, qui faisaient partie de l'Atlantide à l'époque et de la Lémurie, les deux se touchaient. Et c'est pourquoi on retrouve 90% de la flore et de la faune des Galapagos sont uniques sur la planète. C'est des mélanges génétiques qui ont été travaillés là. Et Darwin, Charles Darwin, a imaginé une théorie à partir de ça. Sa théorie est véridique du point de vue biologique, mais ça donne que c'est faux du point de vue ce qu'il a vu. Bon, c'est pas une adaptation naturelle qui a fait que les tortues de chaque île étaient différentes. C'était des îlots laboratoires différents. Maintenant, on a implanté différentes choses dans le code génétique de l'humain. On a implanté dès le départ, on a prévu qu'à un moment donné, l'humain finirait par être tellement puissant qu'il aurait non pas la possibilité de vivre l'expérience de Dieu chez lui, mais qu'il aurait la possibilité un jour de devenir le Dieu. Bon, le Nazaréen en a parlé, mais à l'époque élohimique, on le savait. Mais quand tu dis « on a prévu », est-ce que c'est astralement? Non. Non, ça, on pourra s'amuser à revenir à la deuxième partie ou quelque chose comme ça, mais sinon on va faire des détours à un moment donné à finir. Alors, il est arrivé ceci au niveau du sida, ça fait partie des événements actuels qui est extrêmement important. Il y aura d'autres maladies qui vont apparaître très prochainement. Demande-moi pas le nom parce que les humains ne les ont pas encore baptisés. OK? On ne connaît pas le nom d'avance. On sait ce qui va se passer, par exemple. Bon. Puis le moral est déjà pas assez haut, pas besoin d'en parler. Bon. OK. Mais le sida, il arrive simplement qu'on code dans la génétique des animaux. Donc, de l'époque, on va coder différentes mécaniques. On va coder, par exemple, la capacité génétique d'exprimer le stress. On va coder des choses. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, on a dans la génétique des caractères récessifs, des caractères dominants. Le caractère dominant, ça veut dire que ceux qui ont les cheveux blonds ont en caractère dominant les cheveux blonds. Mais vous avez peut-être en caractère récessif les cheveux noirs. Et peut-être que dans 20 générations, les enfants de deux familles blondes auront les cheveux noirs. Par ce caractère récessif très atténué, finira par être renforcé et subitement, il sera dominant. Et sort de comprendre la mécanique. De ce fait, on pourrait, par exemple, tarir les maladies toutes les formes de cardiopathie, les maladies cardiaques, en s'arrangeant pour que plus jamais il y ait de mélange génétique entre des familles qui ont des caractéristiques à cardiopathie. Ce qui fait que dans plusieurs générations, le risque de maladie cardiaque serait totalement anéanti. Mais codé dans le corps génétique des individus pourrait rester encore des particularités qui feraient que dans 20 ou 30 autres générations, on serait revenu aux maladies cardiaques. On ne ferait pas attention. Alors, il y a des choses qui ont été codées dans la génétique de l'humain, dont le sida. Le sida, c'est une bombe à retardement. Vous savez, il existe des bombes barométriques. Ce sont des bombes qui explosent quand un avion atteint une certaine altitude. Alors, on prend une bombe et puis on met un baromètre qui mesure la pression barométrique. Plus on monte, plus ça change. Et on peut connecter le baromètre avec le système de mise à feu. Puis quand l'avion est dans un aéroport, elle n'explose pas. Quand elle décolle, elle n'explose pas. Quand elle est dans les 30-35 000 pieds, bien, l'avion explose. C'est la même chose qui est arrivée au niveau du code génétique de l'humain. Les animaux auront aussi accès au sida. D'ailleurs, on sait que le chat peut être sidatique, on sait que le chien peut l'être, l'agneau, le cheval, le singe, évidemment, mais le singe l'a reçu de l'homme. On pense que le singe a donné le sida, c'est l'homme qui a donné le sida au singe. Mais regardons ceci. Ça veut dire que la maladie était déjà là, puis on attendait juste d'arriver à un certain niveau. De stress et de conscientisation. C'est les deux clés qui vont faire en sorte que dans la génétique, il va se passer des mutations. Il y a un pourcentage de mutations régulières chez l'humain. C'est régulier. C'est pourquoi nous ne ressemblons pas à nos parents ou à nos grands-parents et nous ne ressemblons vraiment plus à ceux qui ont vécu avant nous en 1600, 1400, 1000, 900, 800, etc. Puis on ressemble encore moins, évidemment, aux Australopithèques. Bon, l'homme des cavernes. Bon, l'homme des tavernes ne ressemble pas à l'homme des cavernes. Une grosse mutation qui s'est passée entre les deux. Donc, on a l'Australopithèque du passé et l'Australopithèque aujourd'hui et l'Australopithèque du passé. Donc, on a une mutation qui s'est opérée, mais ce qui arrive, c'est qu'en fonction des mutations, il vient un moment donné où c'est prévisible mathématiquement, donc les généticiens éloïmiques pouvaient le prévoir, qu'il y aurait à un moment donné des mixages dans certains corps physiques de certains codes de gènes. Et cela va faire en sorte, bon, ça va engendrer évidemment les prémices du cancer, ça va engendrer surtout des maladies extrêmement dommageables qui atteignent l'humanité entière, y compris certains animaux. Pourquoi certains animaux? Parce qu'en Lémurie, on ne sait pas encore quelle sera la race mammiférienne qui supportera la conscience de l'homme. Donc, ça pourra être le dauphin, ça pourra être les polars, ça pourra être, etc. Et c'est nous. Mais d'autres animaux qui vont souffrir, qui souffrent un peu maintenant, on commence à décoder, puis il y en a plusieurs qui vont souffrir. Quand on parle de ces maladies-là, il y a une chose qu'il faut qu'on sache. Mais pourquoi on voulait détruire les corps? Voilà. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a un règne de terreur sur le plan planétaire? Parce que les dieux ont toujours régné. Je parle des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Hein? Je parle des dieux du passé qui avaient des armées, qui des dieux de colère et de vengeance, des dieux qui pouvaient attaquer avec leurs légions, comme les rois à l'époque le faisaient. Et progressivement, les peuples sont pacifiés, les dieux sont devenus des dieux de pardon. Bon, les dieux ont évolué au même rythme que l'homme parce que ce sont des mémoires collectives humaines placées dans le monde de la mort. Ce n'est pas ce qui, dans la conscience, va engendrer l'intelligence humaine. Bon, on peut appeler ça un dieu, on peut dire que ce dieu-là n'a pas besoin qu'on le prie. Il n'a pas besoin non plus qu'on lui fasse des offrandes. Parce qu'un dieu qui veut qu'on lui offre, c'est un dieu qui ne peut pas créer. Donc, alors il veut ce que nous, on a. Et on peut regarder dans le règne évolutionnaire humain, prenons juste un exemple de la perfidie de ces dieux, où on regarde dans le passé où Zeus est jaloux d'une telle, puis etc., puis condamne tel demi-dieu, puis les dieux ont des enfants avec les hommes, ça crée des demi-dieux, puis bon, c'est réellement humain. Mais regardons dans le passé comment pendant longtemps on a tout fait pour que l'humain fasse des sacrifices humains aux dieux. Et on a toujours, les divinités sont toujours arrangées pour faire souffrir l'humain. C'est réellement un règne de souffrance et de terreur qui devrait se terminer à l'apogée de l'ère du poisson. Mais vous êtes mon peuple, je suis le sorcier. Qu'est-ce que le Dieu me dit? On doit lui offrir le plus beau de nos agneaux. Oui, prenons la plus belle des génétiques de nos agneaux et tuons-la. Elle ne se reproduira pas. Mais pire, à un moment donné, ça va être offrons-leur nos enfants. Et on prend toujours les plus beaux et les plus brillants. C'est là qu'on offre au Dieu. De façon à ce qu'il ne puisse se reproduire pour que la génétique des intelligents, des parfaits, ne puisse s'expandre. Et ça, ça massacre une humanité complète. Nous sommes régis par quelque chose de problématique. Bon, on peut comprendre. Alors, historiquement, pourquoi les sacrifices humains? On comprend maintenant pourquoi les sacrifices humains. L'humain, à un moment donné, en faisait, ça n'a plus d'allure, mais quand même. La raison occulte, la raison ésotérique, divine, disons, des sacrifices, c'est de briser la génétique. Alors, il va faire une... ça va aussi exprimer pourquoi souvent que les meilleurs partent en premier. Bon, ben c'est ça, c'est... Dieu s'en occupe. Bon. Est-ce que c'est de la même raison pourquoi le début du sida ou de maladies comme ça? Exact. Ce qui arrive simplement, c'est que présentement, l'humanité est rendue à un point où elle a la possibilité dans sa conscience de remettre en question les religions. Alors, on va dire, on est rendu dans un air perdu. Les gens emmagasinent, les gens s'affûtent, ils changent de secte en secte. Ils font des ésotérismes, ils vont dans le végétarisme, ils font du yoga, ils font des arts martiaux, ils reviennent à ceci. Ils sont perdus. Vous savez, il y a une grosse nuance entre quelqu'un de perdu et quelqu'un qui, maintenant, est à la recherche. Il y a une maudite nuance. Et nécessairement, on va vous dire, on va dire que l'humain est perdu. Pourquoi? Parce que l'humain voudra, dans un snobisme de normalisation, ne pas être perdu. Alors, il cherchera la stabilité théologique. Mais la stabilité théologique, elle est dangereuse, parce qu'il n'y a aucune des religions qui contient toutes les clés. Parce que si un humain aurait pu, à l'époque, avoir toutes les clés, on ne serait même plus là. Mais pas parce qu'on aurait évolué, parce qu'on aurait été détruit. Parce que ça s'est ôté des égos humains, qui c'est toujours au nom de Dieu qu'on a fait les croisades, au nom de Allah qu'on peut-être faire une guerre mondiale prochainement. C'était au nom de la race aryenne qu'on a fait la deuxième. Ça a toujours été au nom d'eux. Alors, il faut faire attention. Donc, on doit magasiner. C'est-à-dire qu'on doit fouiller partout pour trouver des clés. Par exemple, on vient écouter Daniel Kem. Daniel Kem ne peut pas révéler toutes les clés. Pourquoi? Parce que Daniel Kem ne va révéler que les clés qu'il connaît, qu'il a besoin lui. Mais vous avez besoin peut-être de certaines clés que je peux révéler. Vous avez peut-être besoin d'informations qui ne sont pas des clés. Mais il y a d'autres clés que vous avez besoin, que moi je n'ai pas besoin, donc que je n'ai pas. De ce fait, l'individu se dit « Ah oui, mais là, ça devient plate. Moi, je pense avoir trouvé ma place, là. » On ne trouve pas sa place. On trouve sa place chez soi quand on devient autonome et seul. On crée sa place. On devient le Graal. Donc, on doit chercher les clés. L'humain n'est pas perdu parce que l'humain lit du « ça me rend pas ». Il lit du, par exemple, Dr. Krochmin. Il lit ceci, il lit cela. Il n'est pas perdu. Il cherche. Bon. Et c'est l'apanage d'une conscience évoluée que de ne plus se spécialiser. Il cherche aussi au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau, pas juste au niveau religieux, parce au niveau que, mariage, oui. Il y a de plus en plus de séparation, on rebâtit une deuxième famille, ça retombe encore, on en recommence une troisième. C'est évident que pendant la période où l'humain n'est pas habitué à être un chercheur, à être un aventurier de l'évolution, à être un explorateur, il y a des crises. Il essaie d'être normal, en même temps, il ne peut pas, puis il se perturbe. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes rendus donc à une époque où l'humanité a la capacité dans sa conscience de remettre en question. Vous pouvez remettre en question les hommes. On l'a déjà fait dans le passé. On est rendu à une puissance tellement foudroyante au niveau de la conscience de plusieurs des individus, c'est que maintenant, certains sont capables de remettre en question leur tradition. Et la tradition est la voie par laquelle on nourrit le monde de la mort, par laquelle on nourrit les dieux, les rituels. Faites ceci comme ça, en mémoire. Mais c'est de la mémoire, le monde de la mort. Et l'humain est rendu à un point où il peut, avant, il ne pouvait pas avant, c'est préférable que l'humain soit ritualiste. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la conscience pour supporter subitement l'idée qu'il n'avait plus de rituel à faire. Une grande partie de sa vie était vouée au rituel. Donc, une grande partie de sa vie aurait été vouée à l'ennui, à la peur. Alors, l'humain faisait du rituel. Mais on en est rendu à un point où maintenant, il y a des éclatements de conscience qui se font, des épanouissements qui se font. Hein? Il y a des fleurs qui apparaissent là-dedans. Et il y a des humains qui peuvent remettre en question leur tradition. Cela veut dire qu'il y a même des humains parmi vous, je suis sûr, petits coquins et coquines, il y en a qui ont dû remettre en question leur religion à un moment donné. Et ça, il n'y a rien de pire pour une religion. Il y en a maintenant qui ont remis en question toute forme de croyance. Ils peuvent encore être à la recherche de certaines choses, mais ils ont compris dans leur conscience à faire la nuance entre une croyance et un concept. Je ne crois pas à la réincarnation. C'est un concept qui a bien de l'allure. Mais je suis ouvert du jour au lendemain à me rendre compte que c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je ne me battrai pas pour que ça reste ça parce que j'y ai cru. Il n'y a plus d'attachement émotif. Non. C'est l'humain ne se fout de rien, mais l'humain est détaché. Et plus ça va aller, plus ça va arriver. Ça veut dire que l'humain ne peut plus être conservé dans des égrégores où on le manipulera collectivement. Donc, l'humain, et on en arrive là, Et c'est commencé. C'est ce que certains phénomènes ésotériques font au niveau planétaire. Ils vont manipuler le monde de la mort pour que vous ne puissiez plus avoir confiance dans vos astrologues, dans vos cartomanciens, dans ces choses-là. Alors, on va manipuler les pouvoirs financiers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions financières qui vont claquer dans les années à venir. On parle de récession. On n'a aucune idée encore de ce qui va arriver. Bon. Il y a énormément... Les gens n'auront plus confiance en leurs banquiers. Les gens ne pourront plus avoir confiance ni en leurs médecins. Parce que les médecins vont dire ceci alors qu'ils font lire dans un autre livre d'autre chose. On va lire l'inverse là, on va lire ceci. Alors que l'humain doit manger en fonction de ce qu'il a besoin, non pas en fonction de ce que le médecin qui a écrit le livre avait besoin. Lui, il dit, il faut manger des carottes, ça guérit du cancer. Oui, puis un autre va manger, puis il devient rouge. Bon. Et on n'a pas les mêmes corps physiques, on n'assimile pas les mêmes choses à la même façon. Alors l'humain ne saura plus où donner de la tête. Il sera perdu, il ne sera pas perdu, il va être sur le vrai chemin. Un chemin pénible au départ, pourquoi? Parce que subitement, on te donne une automobile avec un volant. Maintenant, on te donne une carte, une route, puis maintenant, va où tu veux. Mais où je veux? J'ai toujours voulu aller où ce que le chauffeur allait. Il n'y a plus de conducteur. T'es habitué d'être dans l'autobus, puis là, maintenant, dans une voiture. Alors maintenant, je vais où? Alors là, c'est la panique totale. Hein? T'as déjà vu la course, t'aveugle, là? Ils ont fait une course de stock car, c'était des aveugles qui avaient là-dedans. Non, je ne sais pas. Oh, ils roulaient pas vite, mais c'était vraiment, ça sort de l'air. Puis tu dis ça, et là, ça ressemble à ça un peu. Et là, on dit, regarde, ils sont perdus. Les aveugles là-dedans, ils s'amusent en maudit. Celui qui se conscientise, il va... Vous savez, un troupeau de fourmis, qu'est-ce que ça a de l'air? Ça s'en va dans un cheminement, hein? D'un bord ou de l'autre, ça ramasse des morceaux de sucre, certains ramassent des feuilles. Il y en a qui ramassent des gugus, qui pensent que c'est des feuilles, ça ne servira à rien, c'est rendu là-bas, ça va être filtré. Bon, ils travaillent quand même, tout le monde travaille. Puis là, on peut être fier d'eux autres, on les voit travailler. Ils n'ont aucune conscience. S'ils se réveilleraient un peu, ils changent tout de cap. Alors, à un moment donné, quand on verrait les fourmis partir tout partout, on dirait, il y a un tremblement de terre, quelque chose qui s'en vient. Bon, c'est ça. Il y a présentement quelque chose qui s'en vient. L'humain n'est plus capable d'être un troupeau. L'humain est de moins en moins. Il y en a qui le sont. Ceux-là sont manipulés pour engendrer des mécaniques qui vont forcer les derniers bastions de ceux qui résistent à l'intelligence dans ceux qui sont prêts à bouger. Alors, il y aura perte de confiance. Pourquoi? Il doit y avoir une déstabilisation complète dans l'astral et dans la génétique des humains pour que les humains... Pas parce que les humains sont punis. Hein? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, le sida, c'est parce que, bon, l'humain est plus assez spirituel, Dieu le punit. Puis comme j'ai dit souvent, l'enfant qui vient au monde, sidatique, parce que sa mère l'était, mais lui, il a même pas eu la chance d'être spirituel, il est déjà malade. Bon, ou encore la femme qui va à l'église tous les jours, ou le mari qui va à l'église tous les jours, puis son concubin découche, puis il ramène le sida. L'autre, il est innocent total. Mais il a le sida quand même. C'est quoi la raison ésotérique à ça? On doit comprendre, premièrement, que nous sommes placés dans un contexte, et ça, c'est... Nous sommes placés, on peut le dire maintenant, nous sommes placés dans un contexte où tout a été fait pour que jamais le bien ne puisse couvrir la planète. Où tout a été fait pour que jamais l'intelligence ne puisse s'expandre à l'échelle planétaire. Continuellement. Et présentement, nous sommes depuis 1967, surtout... Nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'interventions. On parlera d'énergie. Souvent, c'est pour l'humain, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Hein? Quand on disait Dieu, l'intervention de Dieu, c'est l'intervention de mécanique astrale. Là, si on parle d'intervention d'énergie, les gens peuvent appeler ça le cosmos, peuvent appeler ça Dieu aussi. Ils veulent aussi. À un moment donné, c'est intangible parce que ça ne procède pas du corps physique, mais ce sont des choses qui existent. Si je dis à quelqu'un « je t'aime », ben, c'est pas matériel. Mais bon, parce que celui qui le reçoit peut aimer, il comprend ce que je veux dire. Quand les gens vont être en contact avec leur esprit, donc l'énergie supramentale, ils vont aussi être capables de raisonner ce que je dis. Il y en a qui le sont déjà. Il arrive ceci depuis 1967, c'est que l'être humain a maintenant réellement accès, hein, il y a un doigt dans l'humain, a accès présentement à une source totalement inépuisable d'intelligence. On parlera d'énergie christique, donc son esprit. Il a accès présentement à... une conscience qui ne provient pas de l'enseignement, une conscience qui n'est pas mémorielle ou collective, l'humain a de plus en plus, et aura de plus en plus accès à une conscience individuelle qui va faire en sorte que l'humain ne pourra pas agir en fonction de l'agissement d'autrui. Hein? Si on décide que tuer, c'est pas bon dans une société de paix, on est d'accord. Quand on rentre en guerre, bien là, on est d'accord que tuer, c'est bon. Celui qui a une conscience individuelle, s'il a déterminé que tuer n'était pas bon en paix, il continuera à savoir que tuer n'est pas bon en temps de guerre. Pourquoi? Parce qu'il saura que quand un individu tue un individu, c'est un meurtre, puis quand c'est 300 000 qui en tue 300 000, c'est une guerre, c'est correct. Il ne pourra pas additionner ça. Il y a une conscience individuelle. Lui va considérer que c'est 300 000 meurtres. Exact. Bon. Alors, ce qui arrive présentement, donc, on doit créer des déstabilisations. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a une grande partie des mécaniques astrales qui travaillent énormément à prouver, à vous prouver, à prouver à l'humanité, que vous êtes dans un faux chemin. Donc, les enfants sont de plus en plus perturbateurs. Ce sont des teflons pour la majorité. Ils sont intelligents. Ce sont des adultes déguisés. Ils revendiquent comme la femme revendiquait à un moment donné. Puis comme l'homme a revendiqué il y a bien longtemps. Oh Dieu! Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, c'est parce qu'on n'est pas assez sévère. On veut vous nous ramener en arrière. Parce qu'on n'est pas assez religieux. Parce que, etc., etc., etc. Bon, alors on doit faire extrêmement attention là-dessus. Ça, c'est le règne de la culpabilité. Quand Fatima ou quand les Notre-Dame, les différentes Notre-Dame sont apparues, c'est toujours la même chose. Il y aura des prémices de guerre. Priez, repentez-vous, etc. T'sais, venez vous sentir coupable, puis venez mettre de l'énergie dans le monde de la mort. Priez les dieux. Donc, présentement, tout ce qui se passe à l'échelle planétaire, et on doit s'attendre à de graves problèmes financiers, à de graves problèmes au niveau de la santé, à de graves problèmes au niveau géologique, à de graves problèmes au niveau militaire. On doit s'attendre à... Mais tout ça, c'est fait pour forcer l'humain à prendre conscience de son existence et devenir individuel? Non, tout ça, c'est fait parce que l'astral est une guérillera. Quand j'étais au Guatemala, j'ai rencontré des guérilleros. Les guérilleros avaient une philosophie que je ne comprenais pas à l'époque. J'étais très jeune quand même. Maintenant, je la comprends. Elle est toujours aussi stupide. Et l'astral fonctionne comme les guerrieros, comme la majorité des guerrieros des nations. Alors, à l'époque, je savais qu'il y avait un pouvoir en place, dictatorial, puis il a été renversé. Celui qui était là s'est ramassé dans la jungle, la guerrieros, et il travaille pour libérer le peuple. Ils veulent renverser celui qui est là. Ils ont réussi à le renverser. Puis il reste dictatorial. Ceux qui sont en fait renversés, maintenant, veulent aider le peuple, deviennent les guerriers roses. Ils renversent l'autre en haut. On recommence. Mais là, c'est pas ça. C'est que les guerriers roses rentrent dans les villages, ils tuent des villageois, ils volent des affaires, et puis après ça, ils s'en vont. Puis là, on dit, oui, mais s'ils font ça, ils n'auront jamais l'appui de la population. Ah oui, ils luttent pour le peuple, puis ils le disent tout le temps. Alors, là, tu comprends plus rien. Oui, toutes les guerriers roses là-bas ont lutté pour le peuple, en tuant le peuple, en tuant les soldats, en tuant tout le monde, puis il n'y a aucun problème. On brûle des fermes, on massacre les enfants, c'est pour le peuple. Alors là, tu te dis comment ça se fait que. Voilà comment ça se fait que. Si vous voulez comprendre les événements actuels, plus vous avez de la difficulté à les comprendre, c'est probablement parce que vous êtes, par rapport à ces événements-là, trop intelligent, intelligente. Quand on regarde Saddam Hussein, puis on se dit, ben oui, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Il ne se rend pas compte. Mais justement, non. Là, on ne doit plus faire référence à l'intelligence, on ne doit faire référence qu'à la manipulation. Il est manipulé, il est subjugué. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il le fait bien. Oui, il le fait quand même. Et il le fait bien. Adolf Hitler ne savait pas ce qu'il faisait. C'était pour sauver l'humanité. Bon, quand les Juifs ont massacré le Nazaréen, mais c'est parce qu'on pensait que c'était une personne qui travaillait contre Dieu. Alors, les gens, il fallait que le Nazaréen meure violemment sur une croix. Bon, mais les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient bien. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui va se passer. Alors, l'astral, c'est-à-dire que tout ce qui a maintenu l'humain, les vestiges de mécanique géovique, de mécanique iavique, de mécanique éloïmique, il y en a qui ont établi des lois génétiques, les Elohim. Il y en a qui ont établi des lois dictatoriales, c'est les mécaniques géoviques, Jéhova. Il y en a qui ont établi des lois de relations affectives entre les humains, c'est les mécaniques iaviques, c'est Yahvé. Bon, il y en a un, ce sera le courroux, il y en a un, ce sera l'amour, puis il y en a un, c'est le code génétique. D'ailleurs, c'est les Elohim, à un moment donné, qui vont laisser comme trace la circoncision. Hein? Pourquoi? Parce que l'humain, à l'époque, ne se lavait pas. Ce qui fait que la majorité des enfants mâles finissaient par avoir des problèmes au niveau du prépuce. On avait de la phimosis, on avait des infections. Donc, ça les rendait stériles. Et évidemment, c'était pas génial pour croiser et multipliez-vous. Bon. Et ne pas manger de porc. Ben non. Pourquoi? Il faut le faire cuire énormément. Alors, à l'époque, on n'a pas la conscience d'eux. On ramassait toutes les cochonneries qu'il y avait à l'intérieur du porc, le sanglier ou ces choses-là. Donc, il y a des lois mécaniques qui ont été implantées à l'humain. Manger une cochonnerie dans du porc, ça doit être bon. C'est justement une tomaine. C'est vrai qu'un porc qui est en santé a une queue droite? Non, je sais. Puis un porc qui est nourri tout croche a une queue en tire-bouchon? Non. Absolument. Puis nos porcs ont toutes des queues en tire-bouchon depuis longtemps. On ouvre des bouteilles avec. Mais on les nourrit de quoi, nos porcs? Absolument. Il y a des porcs qui sont nourris comme un animal. Un cochon sauvage devrait être nourri puis il a une queue droite. C'est bien différent. Mais on ne sait plus c'est quoi aujourd'hui bien fonctionner. Mais en tout cas, c'est sérieux, hein? Là, si vous regardez votre mari qui a une queue en timson, vous l'alimentez mal, là, c'est pas compliqué. J'entendais la question. Ouais. J'ai répondu tout de suite. C'est bien. Sauf tout un peu. Alors, il arrive quoi? Il arrive donc... Mais là, est-ce que le sida est là pour éliminer un nombre de corps physiques, oui ou non? Le sida est là pour éliminer un nombre de corps physiques. Le sida est là aussi surtout pour occuper la conscience des individus. La drogue sera là pour ça. Vous évoluez, puis à un moment donné, vous aurez peut-être un accident, peut-être une maladie, et là, vous allez prendre beaucoup d'énergie pour vous guérir la maladie. Alors qu'on devrait continuer à évoluer. La maladie va finir par s'estomper. Pourquoi? Parce que l'humain a une capacité depuis quelques années de cellularisation. Il a, il a toujours eu la capacité de cellularisation, mais il l'a présentement plus profondément, surtout si ce qu'il fait, il le fait consciemment. La cellularisation, c'est un mot typique du PMC, c'est la capacité qu'a un humain de codifier dans, dans sa génétique son évolution. On l'a toujours eu, mais à très, très, très, très faible échelle. Lorsque l'humain est capable de cellulariser, il est capable de se dissocier des génétiques du passé. De ce fait, il se met au monde, il renaît. Il n'est plus associé au passé. Il ne provient pas des mécaniques et loïmiques, bien qu'il ait un corps physique matériel. Présentement, donc, on veut faire quoi? Au niveau des maladies, comme le sida, mais il y a eu d'autres maladies programmées. La tuberculose, hein? Il y a eu la syphilis. Il y a eu d'autres maladies programmées comme ça, qui sont apparues dans leur temps. Bon, chronologiquement. Alors, au niveau des maladies, on tient premièrement à déstabiliser la génétique de plusieurs individus, parce que c'est une maladie qui apparaît chez certains indices, chez certaines génétiques, mais qui est transmissible sexuellement dans une époque où l'humain, approchant de la désinhibition, va être juste un peu faible énergétiquement et va commencer à se libérer. La différence, c'est que libérer sexuellement, vous couchez avec n'importe qui, désinhiber sexuellement, vous n'avez plus de problème avec votre corps physique ou avec la sexualité, vous ne couchez pas pour autant avec n'importe qui. L'intelligence veille à la désinhibition, alors que l'émotivité veille à la libération. Dans un contexte où l'humain va se libérer, l'humain va nécessairement commencer par se libérer à partir des premières versions des inhibitions qui ont été implantées chez lui dans son évolution spirituelle, et ça sera normalement la sexualité. Les maladies sexuelles deviennent donc un vecteur absolument génial. L'humain doit croître, se multiplier, et l'humain nécessairement va s'amuser beaucoup avec le sexe qu'il fait présentement. De ce fait, on aura une maladie qui va se transmettre rapidement. Et puis, on aura codifié une maladie qui va prendre plusieurs années avant d'apparaître. Ça veut dire que, on parle de 7 ans, ça veut dire que si vous avez eu une relation sexuelle avec un individu, v'là 5 ans, vous ne savez pas encore si vous êtes atteint ou non, à moins qu'on passe des tests, et les tests actuels ne peuvent pas tout révéler. Mais, c'est pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça, là. C'est ça. Bon. Mais je vends des pilules miracles tout à l'heure, en ce temps. Ça vous intéresse, Ça s'appelle une aspirine. Oui, c'est ça. Bon. Alors, le, donc, mais il y en a d'autres maladies comme ça qui vont. Oui, il y en a d'autres qui sont déjà là. Ils sont déjà là. Il y a des humains qui en sont malades. Puis qui ne savent pas. Puis je vais t'en donner une autre. Une maladie? Oui. Je ne te donnerai pas, je ne communiquerai pas. OK. Je vais t'en parler. OK. C'est une maladie qui va faire en sorte que l'humain. Je vais mettre quelque chose sur mon micro. Là. Ça se transmet par la voix? Non, ça ne se transmet pas par les électrons. OK. L'humain va devenir de plus en plus fatigué. L'humain va assimiler de plus en plus mal. L'humain va perdre son tonus énergétique. L'humain va perdre son tonus psychologique. L'humain aura besoin de plus en plus de lumière. L'humain va être de plus en plus fatigable et fatigué. L'humain va prendre des vacances. Il ne s'en sortira pas. Il va dormir plus longtemps. Il ne s'en sortira pas. Il va manger mieux. Il ne s'en sortira pas. C'est une maladie. Et pendant longtemps encore, on va penser que c'est parce que c'est le stress, c'est parce que tu t'alimentes mal, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, alors que prochainement, on va découvrir que ça, c'est une maladie. Bon. Il y a d'autres maladies comme ça qui sont déjà en germe. Admettons qu'on l'aurait déjà. C'est extrêmement noir non plus. Admettons qu'on l'aurait déjà, cette maladie-là. Mes consultations, j'ai ça fait... Ça serait quoi, le remède? Bon, il y a un mot qui va revenir souvent dans ma bouche et qui va paraître absolument banal pour des individus dans ton cas, par exemple. Ça va être simplement, le remède, c'est la conscientisation. C'est vrai que c'est banal, la conscientisation. Fait, ça devient con à un moment donné. Et une raison intelligente de continuer à avancer, continue à avancer. Et de savoir comment ça fonctionne. On a des personnes qui se font blesser pendant la guerre, qui meurent là. Il y en a d'autres qui ont des blessures encore plus graves, mais ceux-là veulent vivre. Ils arrivent à vivre. Est-ce qu'ils veulent vivre ou ils ont une raison intelligente? Non, ils sont manipulés à vouloir vivre. Bon, okay, c'est vrai qu'ils ne veulent pas vivre, mais disons, ils veulent vivre. Et souvent, qu'est-ce qu'ils manipulent? C'est la haine de l'autre. Souvent. Il y a un Martin Gray qui a fait exception. Lui, il voulait souffrir. Tu sais. Bon. Alors, il a nourri le monde de la mort à lui tout seul. Bon. Oh oui, regardez, le gars, c'est un gars génial et formidable. Faut qu'il perde sa femme, ses enfants, plus qu'une fois. Faut qu'il perde tout ça. Tu sais, ça n'a aucun sens. Hein? Tu sais, c'est vraiment... Ils n'ont pas manqué. Faut comprendre plus vite. Ouais, ben ça laisse des traces. Mais on choisit pas de comprendre plus ou moins vite. Non, mon année a rendu un point où présentement les individus qui viennent ici sont capables de comprendre des choses, c'est évident. Ça veut pas dire que c'est uniquement ceux qui viennent ici, comprenez-moi bien. Ah, il y en a plein qui viennent pas ici, ils comprennent plein de choses aussi. Bon. Mais au niveau des déstabilisations des pathologies, ça va créer donc une déstabilisation au niveau des corps physiques, altération progressive de longévité. Ça va aussi placer beaucoup d'individus à travailler sur la guérison. Donc, à devenir tôt mature, soit pour eux-mêmes, pour autrui, ce qui est bon, mais qui en même temps est un problème. En ce sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre beaucoup d'énergie là-dessus. C'est comme, par exemple, vous avez 75 ans ou 80 ou 95 ans, puis subitement, vous pensez que vous êtes vieux ou vieille. Et là, beaucoup de personnes vont prendre énormément d'énergie à vouloir se rajeunir physiquement. Alors que c'est pas là-dedans. Il y a des réincarnations de toute façon. Et puis, de toute façon, s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais de toute manière, on n'est pas à 15-20 ans après sur 4,5 milliards d'années. Si vous étirez votre vie de 20 ans, ça ne changera pas grand-chose dans l'univers. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quel que soit l'âge où on en est rendu, c'est pas encore en travaillant. On doit manger mieux. Pourquoi on doit manger mieux? Pas pour le corps physique, parce que c'est intelligent de manger mieux. Là, c'est votre attitude de conscience qui vient de changer. L'alimentation va améliorer votre condition physique, mais votre attitude aussi en tabarouette. Et ça va être, à un moment donné, de vivre plus calmement. Mais le calme va vous aider. Mais c'est vous, maintenant, qui décidez. C'est votre attitude, c'est votre évolution, maintenant, qui fait ça. Si vous êtes dans un groupe où on est tous calmes, parce que ça fait partie du principe du groupe, vous n'avez pas compris. Là, vous avez un calme collectif. Si vous quittez le groupe, vous allez revenir aussi énervé. C'est pour faire partie du groupe qu'on prend le décorum du groupe. Ça peut être le végétarisme, ça peut être, etc. Non, on doit faire ça individuellement. Bon. Alors, l'humain, donc, la maladie va faire cela. Et d'autres choses pour occuper l'humain. Problèmes financiers. Il y aura de plus en plus de problèmes financiers. Il y en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus de matraquages financiers. Nous avons vécu au-delà de nos moyens pendant pas mal d'années. Et une bonne guerre, ça rafraîchit les choses un peu, pas pendant la guerre, mais après, il y a moins d'humains, puis il y a tout à bâtir. Fait que, là, l'économie est motivée, puis tout le monde a du travail, chômage n'est presque pas, puis là, il va. Bon. Sauf que... c'est pas nécessaire qu'on vienne à une apocalypse. Présentement, tout semble noir. Mais il y a une chose qui est importante. C'est que si l'astral, et c'est l'astral qui crée les prophètes, l'astral, c'est donc la mémoire du monde de la mort, c'est là-dedans que vont fouiller les voyants, les médiums, les astrologues, etc. Si l'astral prévoit une apocalypse noire, ceux qui ont eu un contact avec l'intelligence ont toujours parlé d'apothéose après l'apocalypse. Mais nous, on a peur de l'apocalypse. Alors qu'on parle de 1000 ans, le millénium, on parle de 13 800 ans d'âge d'or. C'est là qu'on s'en va. Puis on est tout près de là. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Tout près avec toi, là. Ouais. Bon, en tout cas... Non, en année ou en siècle? Quelques années. Bon. Quelques années. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, donc, présentement, c'est qu'au niveau financier, les individus... Regardez, au niveau de votre santé, plus que jamais l'humain devra se forcer. Quand on parle de conscientisation, moi, je ne suis pas de la théorie, je suis beaucoup de pratique. Quand on parle de conscientisation, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une question philosophique. On doit changer au niveau d'intelligence. On l'a compris. C'est ajusté au niveau psychologique par l'intellect. Quand c'est ingurgité au niveau psychologique, on est plus prêt. On se dit pas « je vais manger la pomme », mais le goût du gâteau. T'sais, l'ego travaille contre notre intelligence. Quand l'ego finit par être programmé, ben, il y a le goût de la pomme lui aussi. Mais c'est plus facile. Bon. Et à un moment donné, ça devient au niveau vital, ça devient au niveau physique. Ça prend plus de temps, c'est pyramidal l'échelle de temps. On l'a vite dans l'intelligence, on l'a moins vite dans l'intellect, moins vite dans la psychologie, moins vite dans le vital, moins vite dans le physique. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que tout doit, l'être humain, la nouvelle race, quand on parle de race, c'est toujours comme grandiose le phénomène, là, mais comprenez que ce sont des mots pour qu'on puisse communiquer simplement. Bon. Alors, la nouvelle race, c'est une race d'individus qui aura une conscience individuelle. Un individu qui ne pourra plus être touché par la publicité de propagande, qui pourra par contre être touché par la publicité informative. Je veux qu'on m'informe. Si on met sur une publicité aucun élément de toxicogène qui va créer des toxines chez toi, c'est une publicité. Mais elle est informative, c'est ce que je recherche. Mais c'est pas « mangez ça, c'est le meilleur sur le marché ». Ça, c'est pas, ça, c'est une propagande. Ça me dit rien. Alors, l'humain qui a une conscience individuelle devra développer une conscience individuelle, par exemple, pour être capable de filtrer ce que je dis. C'est pas parce que c'est Daniel Kiem ou parce que c'est une personne qui est en avant qui parle que c'est tout bon. Ça peut ne pas. On doit filtrer. Conscience individuelle fait premièrement que l'individu filtre ce qu'il lit, ce qu'il entend. Il dit oui, mais je le sais pas. Bien, si tu le sais pas, prends ce qui te va le mieux, puis prépare-toi, autorise-toi à pouvoir changer plus tard. Mais dans une période comme on est là, moi, je rappelle une période de transition, pour ceux qui font de la publicité ou des mises en marché ou quoi que ce soit, c'est bien difficile parce que, effectivement, des gens... Tout le monde va se casser le nez. C'est ça, parce qu'il y en a qui cherchent l'information, puis d'autres, c'est pas ça qu'ils cherchent. Eux autres, ils veulent que ce soit marqué « mangeant, c'est bon ». Oui. Tu as deux sortes de clients. Parce que tu as des récidivistes, il y en a plusieurs là, qui sont très, très près du changement, qui préféreraient tellement le bon vieux temps. Il y en a qui vont, par exemple, voir leurs enfants commencer à quitter la maison ou à s'en aller ou à faire des choses. Puis, à un moment donné, ils vont avoir peur. Ça serait temps. Bon, tu sais, bon. On va finir. La musique est éteinte, la musique. Bon. Ça fait une heure, la conférence est finie, mais en tout cas. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que, au niveau des maladies, maintenant, au niveau financier, vous allez devoir devenir autonome financièrement, c'est-à-dire être capable de gérer vous-même votre portefeuille. On peut plus faire confiance aux banquiers prochainement, ni aux courtiers, ni à ceci, ni à cela. Vous allez devoir aller acheter une maison, vous allez vous fier à votre intelligence, puisque l'autre vous dit. Encore pas de ma job. Eh bien, c'est ça, tu veux. Non, il y en a encore qui veulent... Bon. Au niveau de la santé, au niveau de la conscience, la santé sera la même chose. On doit se prendre en main. On doit finir par abandonner les philosophies de groupe tout organisé qui dit que le chou, c'est bon pour la santé. Mais chou, on doit savoir si c'est bon pour nous ou pas. Comment on le sait? En avez-vous le goût? J'en mangerais du cru, là, mangeant du cru. J'ai mangé du cru avec 2 mois de temps. Après ça, j'ai jamais pu eu le goût. T'en avais besoin pour 2 mois. Pourquoi te casser la tête? On se casse la tête parce qu'on va être collectif. Oui, mais c'est peut-être pas normal, moi. J'ai des menstruations au mois et demi. Ben oui, mais est-ce que t'es malade? En souffres-tu? Non, non, moi, tout est bien. Ben, qu'est-ce que t'as de plein? Tu sais, moi, j'ai 27... J'ai 62 ans, j'ai pas encore une mousse de carie. Je sais pas si vous avez vu un film japonais à un moment donné. Les vieilles madames se brisent les dents sur des roches parce que c'est anormal à rendre cet âge-là d'avoir toutes les dents. Alors, ils se les pètent sur des roches parce que sinon, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il faut mâcher, par exemple, du cuir, de la peau, hein?